L'argent. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. L'argent peut acheter une montre, mais pas le temps. L'argent peut acheter une position, mais pas le respect. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter un livre, mais pas le savoir. L'argent peut acheter un médicament, mais pas la santé. L'argent peut acheter du sang, mais pas la vie. Vous voyez bien que l'argent n'est pas tout. Et souvent emporte de la douleur et de la souffrance. Je vous dis cela parce que je suis votre ami. Et en tant qu'ami, j'aimerais vous épargner la douleur et la souffrance. C'est pourquoi, donnez-moi tout votre argent et je vais souffrir pour vous.